En partant d'Ilion, le vent qui nous portait nous mit sous l'Ismaros, au pays des Kikones. Là, je pillai la ville et tuai les guerriers. Et lorsque sous les murs on partagea les femmes et le tas de richesses, je fis si bien les lots que personne en partant n'eut pour moi de reproche. Nous reprenons la mer. Mais voici qu'au détour du Malais, le courant, la houle et le boré me ferment le détroit, puis le port de Cythère. Alors, 9 jours durant, les vents de mort m'emportent sur la mer aux poissons. Le 10e nous met au bord des lotophages, chez ce peuple qui n'a pour tout mets qu'une fleur. On arrive, on débarque. Mais à peine en chemin, mes envoyés se lient avec des lotophages qui, loin de méditer le meurtre de nos gens, leur servent du lotos. Or, sitôt que l'un d'eux goûte à ces fruits de miel, il ne veut plus rentrer ni donner de nouvelles. Tous voudraient se fixer chez ces mangeurs de dattes, égorgés de ces fruits, remettre à tout jamais la date du retour. Je dus les ramener de force, tout en pleurs, et les mettre à la chaîne, allongés sous les bancs, au fond de leur vaisseau. Puis je fis rembarquer mes gens restés fidèles. Pas de retard, à bord, et vogue les navires. J'avais peur qu'à manger de ces dattes, les autres n'oubliassent aussi la date du retour. Mes gens sautent à bord et vont s'asseoir au banc, puis, chacun en sa place, la rame bat le flot qui blanchit sous les coups. Nous reprenons la mer, l'âme toujours navrée.